Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Chemin. C'est l'heure de retrouver Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 7 mars 1995. 1995, c'est pas si vieux, hein, il y a 23 ans. Nous sommes à Bora Bora, le jour de la mort de Paul-Émile Victor. Son corps sera immergé au large, selon ses dernières volontés, avec les hommages de la Marine nationale. Quand je dis la mort, je vais peut-être un peu vite. Paul-Émile Victor disait lui-même, les vieux aventuriers ne meurent pas, ils disparaissent, ils s'évanouissent. Et Paul-Émile Victor était devenu la figure type de l'aventurier. Oui. On peut le dire, lui qui pourtant au départ n'était pas destiné à explorer les pôles. Hein. Il est né à Genève, il a passé son enfance dans le Jura. Son père possédait une fabrique de pipes à Saint-Claude. On est quand même assez loin des vastes horizons. Effectivement. Alors quel va être justement le déclencheur? Alors d'abord les livres qui vont ouvrir l'esprit du jeune Paul-Émile aux aventures extraordinaires. Et puis le service militaire qu'il effectue dans la marine nationale, après avoir navigué, il est vrai, dans la marine marchande. Lui qui s'attendait à des voyages incroyables tout autour du globe, il est littéralement scotché à Toulon, puis à Cherbourg. Bref, c'est un rendez-vous manqué, ce qui va décider de l'incroyable carrière de Paul-Émile Victor, PEV, hein, comme on l'appelle, en tout cas dans les milieux autorisés. Ce qui va décider de cette incroyable carrière, comme souvent, c'est une rencontre, en l'occurrence avec le célèbre commandant Charcot. En 34, Paul-Émile embarque sur le Pourquoi pas, le navire d'exploration de Charcot. Il passe une année auprès des Esquimaux, il publie des articles, donne des conférences et ça y est, c'est parti. En 1947, il créera les expéditions polaires françaises, les fameuses Expé, une structure chargée d'organiser ses grands voyages d'études. Il va en mener 17 de ses grands voyages. Il installera des bases sur le continent antarctique et puis à la fin des années 70, donc il se retire en Polynésie où il meurt ce 7 mars 1995. On peut dire qu'il aura marqué son temps et qu'il nous aura notamment fait connaître les Inuits. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, aux côtés d'un autre grand explorateur, explorateur de l'histoire, puisqu'il s'agit de Jules Michelet.